Chapitre 28. J'en suis à cette plénitude de désespoir qui est presque du repos. Je ne saurais souffrir davantage. Cette certitude que rien n'augmentera mes larmes est un soulagement. Mon être s'est déchiré lui-même à ce point qu'il s'est arrêté de pitié. Aujourd'hui, je ne puis qu'essuyer mes larmes. Et cependant, je sens que j'ai besoin du ciel pour être guéri. J'ai l'abrutissement de la douleur, je n'ai pas la tranquille joie de la santé. Si mes blessures ne peuvent s'agrandir, elles peuvent rester ouvertes, saignant goutte à goutte, avec une souffrance sourde. Frère, la main qui les a fermées est une main terrible, la main de la mort et de la vérité. Hier, la nuit venait, la chambre de Marie s'emplissait d'ombre et de silence. Une bougie, cachée à demi derrière un vase de la cheminée, éclairait un coin du plafond. Les murs et le sol étaient sombres. Le lit blanchissait au milieu de ténèbres transparentes. Marie, plus pâle, plus brisée, avait fermé les yeux. Je savais qu'elle ne passerait pas la nuit. Paquerette dormait dans son fauteuil, les mains jointes sur la taille, souriant en rêve à quelques gourmandises imaginaires. Le menton au corsage, elle ronflait doucement, et le bruit de son souffle se mêlait au râle affaibli de Marie. Je me suis sentie étouffée entre cette jeune fille moribonde et cette vieille femme gorgée de nourriture. J'ai gagné la fenêtre, je l'ai ouverte. Le temps était beau. Je me suis accoudée à la barre de bois, et j'ai regardé le carré jaune en face. Les taches allaient et venaient avec rapidité, s'effaçant pour grandir encore. Jamais les ombres n'avaient été aussi lestes, aussi ironiques. Elles paraissaient se plaire à une danse railleuse, à une débauche de formes inexplicables, voulant achever ma raison. C'était un pêle-mêle inexprimable, un amas de têtes, de coups, d'épaules, qui roulaient sur lui-même, comme haché, secoué à coups de fléau. Puis soudain, à l'instant où je souriais amèrement, ne cherchant plus à comprendre, il s'est fait une paix suprême dans ces masses sombres et agiles. Les taches ont eu un dernier saut, deux profils se sont dessinés, énormes, énergiques, se détachant avec netteté et vigueur. On eût dit que, las de me tourmenter, les ombres avaient voulu se révéler enfin. Elles étaient là, noires, puissantes, d'une vérité et d'une insolence superbes. J'ai reconnu Laurence et Jacques, démesurés, dédaigneux. Les deux profils se sont approchés l'un de l'autre, avec lenteur, et ils se sont unis en un baiser. Je n'avais pas quitté mon sourire. J'ai senti en moi une sorte d'arrachement, suivi d'un bien-être subi. Mon cœur, dans une pulsation énorme, a chassé tout l'amour qui l'étouffait. Et l'amour s'en est allé par mes veines, me causant une dernière brûlure. J'ai eu cette sensation d'angoisse que le patient éprouve entre les mains de l'opérateur. J'ai souffert pour ne plus souffrir. Enfin, les ombres parlaient. Elles me donnaient une certitude. J'avais la vérité écrite là, devant moi, sur la muraille. Je savais ce que je cherchais à deviner depuis bien des jours. Je regardais fixement ces deux têtes noires qui s'embrassaient dans le carré de lumière jaune. Je me suis étonnée de souffrir si peu. J'aurais cru en mourir, et je ne sentais plus qu'une lassitude extrême, qu'un engourdissement de tout mon être. Longtemps, je suis demeurée accoudée, regardant les deux ombres qui s'agitaient d'une façon caressante, et j'ai songé à cette terrible aventure qui se dénouait par l'embrassement de deux taches sombres sur une muraille éclairée. La conversation que j'avais eue avec Jacques s'est alors représentée avec force à ma mémoire. Dans le vide qui se faisait en moi, j'entendais s'élever une à une, graves et lentes, les paroles de l'homme pratique. Et ces paroles, que je croyais écouter pour la première fois, m'étonnaient étrangement. Prononcé en face de ce baiser que l'ombre de Jacques donnait à l'ombre de Laurence. Qui trompait-on dans tout ceci? Pâquerette avait-elle raison? Étais-je en face d'un de ces caprices inexplicables qui poussent les gens à se mentir à eux-mêmes? Ou bien Jacques se dévouait-il pour me sauver, allant jusqu'à des caresses mensongères? Singulier dévouement qui pouvait me frapper dans ma chair, dans mon cœur, et me guérir d'un mal par un mal plus terrible encore. Peu à peu, mes pensées se sont troublées. Je n'ai plus eu le calme du premier moment. Je ne comprenais pas ce baiser, et je finissais par craindre que ce ne fût là une misérable comédie. La lutte entre le doute et la certitude s'est pendant un instant établie en moi, plus âpre, plus cuisante. Je ne pouvais m'imaginer que Jacques aimât Laurence. Je croyais plus en lui que je ne croyais en Pâquerette. Puis je me disais que les baisers ont leur ivresse et qu'il allait aimer cette femme, s'il ne l'aimait déjà, à appuyer de la sorte ses lèvres sur les siennes. C'est ainsi que j'ai souffert de nouveau. Ma jalousie s'est réveillée. Mon angoisse m'a reprise à la gorge. J'aurais dû me retirer de cette fenêtre, ne pas m'abandonner à la vue des deux ombres. Ce que j'ai souffert en quelques minutes est indicible. Il me semblait que l'on m'arrachait les entrailles et je ne pouvais pleurer. La vérité se faisait claire, inexorable. Peu importait que Jacques aimât ou n'aimât pas Laurence. Laurence se pendait à son cou, se donnait à lui, et elle était désormais morte pour moi. Là était la seule réalité, le dénouement appelé et redouté à la fois. Dans le sourd grondement qui agitait mon être, j'ai senti tout s'écrouler en moi. J'ai compris que je restais sans croyance, sans amour, et je suis allée m'agenouiller devant le lit de Marie, en sanglotant. Marie s'est éveillée, elle a vu mes larmes. Elle a fait un effort surhumain et, frissonnante de fièvre, s'est mise sur son séant. Je l'ai vue se pencher, appuyant sa tête à mon épaule. J'ai senti son bras maigri et brûlant entourer mon cou. Ses yeux, lumineux dans l'ombre, tout pleins des clartés de la mort, m'interrogeaient avec effroi et compassion. Moi, j'aurais voulu prier. J'avais le besoin de joindre les mains, d'implorer une divinité douce et miséricordieuse. Je me sentais faible et nue. Dans ma peur d'enfant, je cherchais à me donner à un Dieu bon qui eût pitié de moi. Tandis que Jacques m'arrachait Laurence et que tous deux, en bas, s'unissaient étroitement en un baiser, j'avais l'immense désir de faire mes actes de foi et d'amour, de protester à genoux, d'aimer ailleurs, dans la lumière, dans l'absolu. Mais ma bouche ignorait la prière. Je tendais les bras avec désespoir, dans le vide, vers le ciel muet. J'ai rencontré la main de Marie et je l'ai serrée doucement. Ses yeux agrandis m'interrogeaient toujours. « Oh, prions, mon enfant !» lui ai-je dit. « Prions ensemble !» Elle a paru ne pas m'entendre. « Qu'as-tu ? » a-t-elle murmuré d'une voix éteinte et caressante. Et sa main faible cherchait à essuyer mes larmes. Alors je l'ai regardée. Mon cœur navré s'est fondu de pitié. Elle se mourait. Elle était déjà en dehors de la vie, plus blanche, plus grande. Ses regards qui se voilaient s'emplissaient d'une extase attendrie et sereine. Son visage apaisé dormait. Ses lèvres amincies n'avaient plus de râles. J'ai compris qu'elle allait mourir entre mes bras, à cette heure solennelle où mes tendresses mouraient, elles aussi. Et cette mort d'une enfant, mêlée à la mort de mon amour, a mis en mon âme une compassion si profonde que j'ai tendu de nouveau les mains dans le vide, avec une anxiété plus âpre, cherchant quelqu'un. Je me suis soulevée et d'une voix basse, déchirée, « Prions, mon enfant, » ai-je répété. « Prions ensemble. » Marie a souri. « Priez, Claude, » m'a-t-elle dit. « Pourquoi veux-tu que je prie ?»« Pour nous consoler, Marie, pour nous faire pardonner. » Je n'ai pas de pardon à demander. Je n'ai pas de tristesse à adoucir. Tiens, vois, je souris, je suis heureuse. Mon cœur ne me reproche rien. » Elle a gardé le silence, écartant ses cheveux de son front, puis a repris d'un ton plus affaibli. « Je ne sais pas prier, parce que je n'ai jamais eu à demander pardon. La femme qui m'a élevée m'assurait que les méchants seuls allaient dans les églises pour se faire absoudre de leurs crimes. Moi, je suis une enfant qui n'a pas fait le mal. Jamais je n'ai eu besoin de Dieu. Toutes les fois que j'ai pleuré, mes larmes ont coulé largement sur mes joues et le vent les a séchées. Veux-tu que je prie pour toi, Claude ? » a-t-elle ajouté après un nouveau silence. « Tu me joindras les mains et tu me feras répéter les mots qu'on apprend aux enfants dans les villages. Je demanderai à Dieu qu'il ne te fasse plus pleurer. » Moi, frémissant, navré, je priais pour Marie, je priais pour moi. Je trouvais au fond de mon être des paroles de plainte et d'adoration, et je les disais une à une sans remuer les lèvres. Je suppliais le ciel d'être miséricordieux, de nous faciliter la mort, d'endormir cet enfant dans son extase, dans son ignorance. Et, tandis que je priais, Marie, sans voir que je cherchais un Dieu, me serrait le cou avec plus de force, se penchant sur mon visage. « Écoute, Claude, » me disait-elle, « je me lèverai demain, je mettrai une robe blanche et nous nous en irons de cette maison. Tu chercheras une petite chambre où nous nous enfermerons tout seuls. Jacques ne veut plus de moi, je le vois bien, parce que je suis trop faible, trop blanche. Toi, tu as le cœur bon, tu me soigneras bien, et je vivrai avec toi comme j'ai vécu avec Jacques, plus douce, plus gaie. Je suis un peu lasse, j'ai besoin d'un bon frère. Veux-tu ? » Ces paroles étaient horribles dans la bouche de la mourante, prononcées avec une tendresse alanguie. Elle gardait sa naïve impudeur jusque dans la mort. Elle s'offrait sur sa dernière couche en sœur et en amante de 10 ans. Je soutenais son pauvre corps comme une chair sacrée. J'écoutais sa voix ardente et basse avec une sainte compassion. Je songeais, ne pouvant plus prier. Qu'est-ce donc que le mal ? N'étais-je pas en face d'un bien absolu ? Certes, Dieu a fait une œuvre toute bonne, toute parfaite. Le mal est une de nos inventions, une des plaies dont nous nous sommes couverts. Cet enfant qui mourait ne s'était pas plus inquiété, dans la vie, des baisers qu'elle avait donnés à ses amants qu'une petite fille ne s'inquiète des caresses qu'elle adresse à sa poupée. Et cette Laurence morne et désolée, accusait un tel affaissement que son impudeur n'était plus que l'acceptation tacite d'un acte purement matériel. Où trouver le mal dans tout ceci? Et qui aurait osé punir Laurence et Marie, l'une de son ignorance, l'autre de son abrutissement? Le cœur s'était rendormi ou ne s'était pas encore éveillé. Il ne pouvait être complice de la chair, qui, elle-même, restait innocente dans son silence. Si j'avais eu à condamner ces deux femmes, j'aurais eu plus de larmes que de sévérité. J'aurais souhaité pour elles la mort, la paix suprême. Elles doivent dormir d'un sommeil bien profond dans leur tombe, ces pauvres créatures qui ont vécu de tumultes, de gaietés fiévreuses. Peut-être, toutefois, leur cœur aime-t-il enfin dans la mort, souffrant effroyablement à la pensée d'une vie passée à aimer sans amour? Ils voudraient battre maintenant, et ils sont cloués dans leur cercueil. Marie s'en allait, blanche et vierge, étonnée, frissonnante, comprenant peut-être qu'elle mourait avant d'avoir connu la vie. J'aurais voulu qu'elle emportât avec elle Laurence, qui n'avait plus rien à apprendre, ayant usé toutes les voluptés. Elles seraient descendues toutes deux dans l'inconnu, du même pas, également souillées, également innocentes, filles de Dieu, meurtries par les hommes. j'ai soutenu le front de Marie, que l'agonie courbait. « Où est Jacques ? » m'a-t-elle demandé. « Jacques ? » ai-je répondu. « Est dans sa chambre avec Laurence. Ils s'embrassent. Nous sommes seuls. »« Seuls ? Laurence ne vit plus avec toi, Claude ?»« Non. Elle m'a quitté pour Jacques. Nous sommes seuls. » Elle a frotté doucement ses mains l'une contre l'autre. « Oh, que c'est bon ! Oh, que c'est bon d'être seule !» murmurait-elle. « Nous allons pouvoir vivre ensemble. Ils ont bien fait d'arranger cela de cette façon. Il faudra les remercier. Qu'ils soient heureux de leur côté, nous serons heureux du nôtre. » Puis elle a pris un ton de confidence, une voix basse et joyeuse. « Tu ne sais pas, » disait-elle. « Je n'aimais point Laurence. Cette femme était mauvaise. Elle te faisait pleurer des larmes que j'aurais bien voulu essuyer. La nuit, lorsque je te savais à son côté, je ne pouvais dormir. Je m'éloignais de Jacques. J'aurais voulu monter dans ta chambre pour veiller sur toi, afin qu'elle ne te fît pas de mal. Tu ne me quitteras plus, n'est-ce pas, Claude ? Va, je serai une bonne petite femme qui se fera la plus petite possible. » Marie a gardé un court silence, souriant à ses pensées. Elle s'affaissait de plus en plus et devenait inerte. Je tenais son corps, je sentais la vie s'en aller de sa chair avec chacune des paroles qu'elle prononçait. Elle avait encore quelques minutes à vivre. Le sourire s'est effacé, elle a eu comme un mouvement d'effroi. « Tu me trompes, Claude » a-t-elle repris brusquement. « Jacques, n'embrasse pas Laurence, tu cherches à me faire plaisir. Où les vois-tu s'embrasser ?»« Là, en face, » ai-je répondu, « sur la muraille. » Marie a joint les mains. « Je veux voir, » a-t-elle dit en se pressant contre moi. Elle avait une voix sourde et suppliante, elle me caressait, humble et douce. Je l'ai prise entre mes bras et je l'ai soulevée. Elle était légère, toute palpitante. Elle s'abandonnait. Je la portais avec précaution, la sentant à peine, craignant de la briser. Mes mains touchaient avec un saint respect à cette créature demi-nue et chevelée qui se tenait à mon cou, appartenant déjà à la mort. Lorsque, les bras étendus, je l'ai présentée à la fenêtre, Marie, dont la tête était renversée, a regardé le ciel. La nuit se creusait d'un bleu profond semé d'étoiles. L'air calme avait des frissons chauds et lents. Les yeux de la moribonde regardaient les étoiles. Ses lèvres aspiraient l'air tiède. Son visage, jusqu'alors résigné, a eu une contraction douloureuse, comme une révolte de la chair mourante en présence des souffles de la vie. Elle s'absorbait dans sa contemplation. Elle égarait ses regards dans les espaces sombres et semblait rêver son dernier rêve. J'ai entendu un murmure, et je me suis penchée. Elle répétait « Je ne les vois pas, ils ne s'embrassent pas. » Et elle agitait doucement dans le vide ses pauvres mains, comme pour écarter le voile qui s'étendait sur sa vue. Alors j'ai haussé la tête. Les ombres, dans le carré de lumière jaune, s'embrassaient encore. Elles étaient plus noires, plus énergiques, et leur netteté les rendait effrayantes. Marie les a aperçues. Un sourire suprême s'est montré sur ses lèvres. Avec une joie d'enfant, une voix jeune, elle s'est approchée de mon oreille, me caressant de la main. « Oh, je les vois, je les vois !» a-t-elle dit. « Ils s'embrassent, ils ont des têtes énormes, toutes noires. J'ai peur. « Dis-leur bien que nous sommes ensemble, qu'ils ne viennent plus nous tourmenter. » Une nuit, ils se sont embrassés ainsi. Nous nous embrassions de notre côté. Et c'est à partir de ce moment-là que je n'ai plus aimé Laurence. Te souviens-tu ? Viens, que je te donne un baiser. Ce sera le second, celui de nos fiançailles. » Marie a posé en balbutiant sa bouche sur la mienne. J'ai senti passer entre mes lèvres un souffle avec un léger cri. Le corps que je tenais entre mes bras a eu une convulsion, puis s'est abandonnée. J'ai regardé les yeux de Marie, ils étaient grands ouverts, mais j'ai cherché vainement la lueur bleue qui y brûlait, la nuit dont elle venait de parler. Marie était morte, morte dans mes bras. J'ai reporté le cadavre sur le lit, couvrant chastement ce corps demi-nu que j'avais jusque-là caché contre ma poitrine. Je me suis assis au bord de la couche. J'ai appuyé la tête de l'enfant sur l'un de mes bras, lui tenant les mains, regardant son visage qui semblait vivre et sourire encore. Elle était plus grande dans la mort, plus sereine, plus pure. De grosses larmes coulant sur mes joues tombaient dans les cheveux de la morte qui me couvrait les genoux. Je ne sais combien de temps je suis restée ainsi au milieu du silence et de l'ombre. Brusquement, Paquerette s'est éveillée. Elle a vu le cadavre. Elle s'est levée en frissonnant et a couru chercher la bougie derrière le vase, sur la cheminée. Puis, lorsqu'elle a eu promené la flamme sur la face de Marie et qu'elle a vu que tout était bien fini, elle s'est désespérée bruyamment. Cette vieille femme reculait avec effroi devant la mort qu'elle sentait à son côté. Elle criait de douleur, en songeant qu'il lui faudrait bientôt mourir, elle aussi. Elle n'avait jamais cru à la maladie de cet enfant, qui lui semblait trop jeune pour s'en aller si vite. Devant le rapide et terrible dénouement, elle tremblait d'épouvante. Ses cris devaient s'entendre de la rue. Un bruit de pas est venu de l'escalier. Quelques voisins montaient, attirés par les exclamations de Paquerette. La porte s'est ouverte. Laurence et Jacques ont paru sur le seuil. Oh, frère, je ne puis continuer aujourd'hui l'effrayant récit. Ma main tremble, mes yeux s'emplissent d'ombre. Demain, vous saurez tout. Chapitre 29. Laurence et Jacques ont paru sur le seuil de la porte, à moitié vêtus, effrayés. Jacques, en apercevant le cadavre de Marie, a joint les mains avec terreur et étonnement. Il ne s'attendait pas à une mort si prompte. Il est venu s'agenouiller au pied du lit. Il a caché sa tête dans le drap qui tombait à terre. Une angoisse profonde semblait l'écraser. Il n'a plus bougé. Je ne savais s'il pleurait. Laurence, pâle, les yeux secs, s'est tenue sur le seuil, n'osant avancer. Elle frissonnait et détournait les regards. « Morte ? Morte ? » a-t-elle répété à voix basse. Et elle a fait deux ou trois pas, comme pour mieux voir. Elle se trouvait au milieu de la chambre, seule, debout. Moi, je serrais toujours le cadavre entre mes bras. Je m'en couvrais, je me protégeais contre Laurence qui approchait. « N'avancez pas !» lui ai-je crié durement. « Ne venez pas souiller cet enfant qui dort. Restez où vous êtes. J'ai à vous juger et à vous condamner. » « Claude !» m'a-t-elle répondu d'une voix douce. « Laisse-moi l'embrasser. Non, non, vos lèvres sont toutes meurtries des baisers de Jacques. Vous profaneriez la mort. » Jacques paraissait dormir, la tête dans le drap. Laurence est tombée à genoux. « Écoute, Claude, a-t-elle dit en me tendant les mains, je ne sais ce que tu vois sur mes lèvres, mais ne me parle pas avec une telle dureté. J'ai besoin de douceur. » J'ai regardé cette femme qui se plaignait humblement et je n'ai pas reconnu Laurence. J'ai pressé Marie plus étroitement, craignant quelque faiblesse. « Levez-vous pour m'entendre, ai-je repris. Je veux en finir. Vous venez de chez Jacques. Vous êtes encore tout échevelé de ses caresses. Vous n'auriez pas dû monter. Vous vous trompez de porte. » Laurence s'est levée. « Alors, tu me chasses ? » a-t-elle demandé. « Je ne vous chasse pas. Vous vous êtes chassé vous-même en acceptant une autre demeure. Restez où vous êtes allé. » « Je ne suis allé nulle part. Tu te trompes, Claude. Il n'y a pas de baiser étranger sur mes lèvres. Je t'aime. » Elle avançait à petits pas, fascinante, les bras tendus. « N'approchez pas ! N'approchez pas ! » me suis-je écrié de nouveau avec un mouvement d'effroi. « Je ne veux pas que vous me touchiez. Je ne veux pas que vous touchiez Marie. Cette pauvre morte me protège contre vous. Elle est là, sur mon sein, endormie, elle y apaise mon cœur. Je me sens profondément déchirée. J'aurais eu peut-être la lâcheté de vous pardonner si vous étiez venue dans notre chambre vous traîner à mes pieds, car vous y aurez été toute puissante sur moi, par cet amour infâme que la misère et l'abandon m'ont inspiré. Ici, vous ne pouvez rien sur mon cœur, rien sur mon corps. J'ai encore aux lèvres l'âme de Marie, son dernier souffle et son dernier baiser. Je ne veux pas que votre bouche souillée me prenne cette âme. » Laurence s'était arrêtée, sanglotant, me contemplant à travers ses larmes. « Claude, murmurait-elle, tu ne me comprends pas, tu ne m'as jamais comprise. Je t'aime, je n'ai jamais su ce que tu désirais de moi. Je me suis donnée comme je sais me donner. Pourquoi me chasses-tu? Je n'ai pas fait le mal. Si j'ai fait le mal, tu me battras, et nous vivrons encore ensemble. » J'étais là. Je sentais mon cœur saigner. J'avais hâte que cette femme sortît. Je l'ai implorée à mon tour. « Laurence, par pitié, ai-je dit plus doucement, retirez-vous. Si vous avez eu quelque amour pour moi, épargnez-moi toute souffrance. Nos tendresses sont mortes, il faut nous séparer. Allez dans la vie où vous voudrez, dans le bien s'il est possible. Laissez-moi retrouver mes espérances et mes gaietés. » Elle a croisé les bras avec désespoir, répétant plusieurs fois d'une voix égarée, « Tout est fini, tout est fini. » « Oui, tout est fini, » ai-je répondu avec force. Alors, Laurence est tombée à terre, comme une masse, et elle a éclaté en sanglots. Pâquerette, qui avait tranquillement repris possession de son fauteuil, l'a regardée avec curiosité. La vieille impure s'étonnait, croquant des pastilles qu'elle venait de trouver et qu'elle achevait, Marie n'étant plus là pour finir la boîte. « Hé, ma fille » a-t-elle dit à Laurence, « toi aussi tu fais la folle. Bon Dieu, comme les amoureux sont devenus bêtes. Dans mon temps, on se quittait gaiement. Songe donc que tu as tout profit à te séparer de Claude. Il consent. Prends vite la porte et remercie-le. » Laurence n'entendait pas. Laurence frappait le plancher de ses pieds et de ses poings, en proie à une sorte de crise nerveuse. Demi-nue, elle se tordait, pantelante, pleine de frissons qui la secouaient tout entière. Elle mordait ses cheveux qui retombaient sur son visage. Elle avait des cris étouffés, des paroles confuses qui se perdaient dans ses sanglots. Je la voyais de haut en bas, écrasée et frémissante. Je ne sentais ni pitié ni colère. Puis, elle s'est dressée à demi, et la face convulsée, la chair rougie et bleuie de larmes, se traînant vers moi dans ses jupes tordues et pendantes, elle m'a crié « Tu as raison, Claude, je suis mauvaise. J'aime mieux tout dire. Peut-être me pardonneras-tu ensuite. Tes yeux ont bien vu. Mes lèvres doivent être rouges des baisers de Jacques. C'est moi qui suis allée à lui. Je l'ai forcée à la trahison. Je suis mauvaise. » Les sanglots arrachaient sa poitrine. Ils montaient du fond de ses entrailles, en souffles énormes et pénibles, gonflaient sa gorge horriblement, faisaient onduler tout son être, éclataient sur ses lèvres en cris secs et déchirants. « Je ne sais plus, moi, » disait-elle. « J'ignorais que les baisers de Jacques pouvaient nous séparer. J'ai fait cela sans réfléchir, sans songer à toi. Je m'ennuyais parfois le soir, lorsque tu venais dans cette chambre. Alors j'ai cherché à me distraire. Je ne m'explique pas ce qui s'est passé. Je ne veux point te quitter. Pardonne-moi, pardonne-moi. » À la dernière heure, cette femme était plus impénétrable encore. Je n'avais pas le sens de cette créature froide et affaissée, nerveuse et suppliante. Depuis un an, je vivais à son côté et elle m'était étrangère comme au premier jour. Je l'avais vue tour à tour vieille et jeune, active et endormie, sèche et aimante, ironique et humble. Je ne pouvais reconstruire une âme avec ces éléments divers. Je restais muet devant ce visage épais, grimaçant, qui me cachait un cœur inconnu. Elle m'aimait peut-être, elle obéissait à ce besoin d'amour et d'estime qui se trouve au fond des plus honteuses natures. D'ailleurs, je ne cherchais plus à comprendre. je devinai que Laurence serait à jamais un mystère pour moi, une femme faite d'ombre et de vertige. Je savais qu'elle resterait dans ma vie comme un cauchemar inexplicable, une nuit fiévreuse, pleine de visions monstrueuses et incompréhensibles. Je ne voulais pas l'écouter, je me sentais encore dans le rêve. J'avais peur de céder à la folie des ténèbres. Je tendais de toutes mes forces à la lumière. J'ai fait un mouvement d'impatience, refusant du geste, serrant les lèvres. Laurence, lasse, a écarté ses cheveux. Elle m'a regardé en face, muette, profonde. Elle n'avait plus de supplications. Les paroles lui manquaient. Elle me priait par son attitude, par son regard, par son visage bouleversé. J'ai détourné la tête. Laurence s'est alors levée péniblement et a gagné la porte sans me quitter des yeux. Elle est restée un instant toute droite sur le seuil. Elle m'a semblé grandie. Et voilà que j'ai manqué faiblir, m'élancer dans ses bras, en voyant qu'elle portait, à cette heure dernière, les lambeaux de la robe de soie bleue. J'aimais cette robe. J'aurais voulu en déchirer un haillon pour le garder en souvenir de ma jeunesse. Laurence, reculant toujours, est entrée dans l'ombre de l'escalier, m'adressant une dernière prière, et la robe n'a plus été qu'un flot noir qui a glissé sur les marches en frissonnant. J'étais libre. J'ai mis une main sur mon cœur. Il battait, à coups faibles et calmes. J'avais froid. Un grand silence se faisait en mon être. Il me semblait que je m'éveillais d'un songe. J'avais oublié Marie, dont la tête paisible reposait toujours sur ma poitrine. Paquerette, qui sommeillait, s'est dressée brusquement et a couché le cadavre sur le lit, tout de son long, en me disant « Voyez donc la pauvre enfant, vous ne lui avez pas même fermé les yeux, elle semble vous regarder et sourire. » Marie me regardait. Elle avait un sommeil d'enfant, une paix suprême, un front pur de vierge et de martyr. Elle était heureuse de ce qu'elle venait d'entendre. Elle se disait que nous étions seuls, que nous allions pouvoir nous aimer. J'ai fermé ses yeux pour qu'elle s'endormît dans cette pensée d'amour et j'ai baisé ses paupières. Paquerette a posé deux bougies sur une petite table à côté du cadavre. Puis elle a repris son sommeil, se pelotonnant au fond du fauteuil. Jacques n'avait pas remué. Toutes mes paroles, toutes celles de Laurence, avaient passé sur lui sans le faire tressaillir. À genoux, le visage dans le drap, il s'abîmait en quelques pensées austères et terribles qui le tenaient muet, accablé. La chambre était silencieuse maintenant. Les deux bougies jetaient une clarté pâle qui blanchissait les draps du lit et la face découverte de Marie. Hors de ce cercle étroit de lumière, tout n'était qu'ombre indécise. Dans cette ombre, j'apercevais vaguement Paquerette endormie et Jacques agenouillé. Je suis allée à la fenêtre. J'ai passé la nuit là, debout, en face du ciel étoilé. Je regardais Marie et je regardais en moi. Je dominais Jacques, je distinguais Laurence, loin, bien loin dans mon souvenir. Ma pensée était saine, je m'expliquais toutes choses, j'avais conscience de mon être et des créatures qui m'entouraient. C'est ainsi que j'ai pu voir la vérité. Oui, Jacques ne s'était pas trompé. J'ai été malade, j'ai eu la fièvre, le délire. Je sens aujourd'hui, à la fatigue de mon cœur, qu'elle a dû être à la violence de mon mal. Je suis fière de ma souffrance, je comprends que je n'ai pas été infâme, que mes désespoirs n'étaient que les révoltes de mon cœur, indignée du monde où je l'avais égaré. Je suis maladroit devant la honte, je ne sais point accepter les amours vulgaires. Je n'ai pas la tranquille indifférence nécessaire pour vivre dans ce coin de Paris où la belle jeunesse se vautre en pleine boue. Il m'aurait fallu les purs sommets, la campagne large. Si j'avais rencontré une vierge, je me serais agenouillée pour me donner entier. J'aurais été pure comme elle. Et, sans lutte, sans effort, nous nous serions unis. Nous aurions contenté nos tendresses. La vie a ses fatalités. Un soir, j'ai trouvé Laurence, la gorge découverte. J'ai eu l'impudente confiance de vivre auprès de cette femme, et voilà que je l'ai aimée, aimée comme une vierge, avec tout mon cœur, toute ma pureté. Elle m'a rendu mes affections en souffrance et en désespoir. Elle a eu la lâcheté de se laisser aimer, sans jamais aimer elle-même. Je me suis déchirée devant cette âme morte à vouloir me faire entendre. J'ai pleuré comme un enfant qui veut embrasser sa mère, se haussant sur ses petits pieds, ne pouvant atteindre le visage de celle qui est toute son espérance. Je me disais ces choses dans cette nuit suprême, et je me disais encore qu'un jour je parlerai, et que je ferai voir la vérité à mes frères, les cœurs de 20 ans. Je trouvais une grande leçon dans ma jeunesse perdue, dans mes amours brisés. Mon être entier répétait « Que n'es-tu resté là-bas, en Provence, dans les herbes hautes, sous les larges soleils ? Tu aurais grandi en honneur, en force. Et lorsque tu es venu ici chercher la vie et la gloire, que ne t'es-tu gardé contre la boue de la ville ? Ne savais-tu pas que l'homme n'a pas de jeunesse, ni deux amours ? Il te fallait vivre jeune, dans le travail, et aimer dans la virginité. » Ceux qui acceptent sans larmes la vie que j'ai menée pendant 1 an n'ont pas de cœur. Ceux qui pleurent comme j'ai pleuré sortent de cette vie le corps brisé et l'âme mourante. Il faut donc tuer les Laurence, comme disait Jacques, puisqu'elles nous tuent notre chair et nos amours. Je ne suis qu'un enfant qui a souffert. Je ne veux point prêcher ici. Mais je montre ma poitrine vide, mon être endolori et sanglant. Je désire que mes plaies fassent frémir les garçons de mon âge et les arrêtent au seuil du gouffre. À ceux qui sont affolés de lumière et de pureté, je dirais « Prenez garde, vous entrez dans la nuit, dans la souillure. » À ceux dont le cœur dort et qui ont l'indifférence du mal, je dirais « Puisque vous ne pouvez aimer, tâchez au moins de rester digne et honnête. » La nuit était claire, je voyais jusqu'à Dieu. Marie, raide maintenant, dormait avec pesanteur. Le drap avait de longs plis secs et durs. Je songeais au néant, je pensais que nous aurions grand besoin d'une croyance, nous qui vivons dans l'espérance de demain et qui ne savons pas ce que sera demain. Si j'avais eu, au ciel ou ailleurs, un Dieu ami dont j'ai senti la main protectrice, je ne me serais peut-être pas laissé aller au vertige d'une passion mauvaise. J'aurais toujours eu des consolations au milieu de mes larmes. J'aurais usé mon trop d'amour dans la prière, au lieu de ne pouvoir le donner et de le sentir m'étouffer. Je m'étais abandonné parce que je ne croyais qu'en moi et que j'avais perdu toute ma force. Je ne regrette pas d'obéir à ma raison, de vivre libre, n'ayant que le respect du vrai et du juste. Seulement, lorsque la fièvre me prend, lorsque je frissonne de faiblesse, j'ai peur, je deviens enfant. Je voudrais être sous le coup d'une fatalité divine, m'effacer, laisser Dieu agir en moi et pour moi. Et je songeais à Marie, me demandant où était son être à cette heure. Dans la grande nature, sans doute. Je faisais ce rêve que chaque âme va au grand tout, que l'humanité morte n'est qu'un souffle immense, un seul esprit. Sur la terre, nous sommes séparés, nous nous ignorons, nous pleurons de ne pouvoir nous réunir. Au-delà de la vie, il y a pénétration complète, mariage de tous avec tous, amour unique et universel. Je regardais le ciel. Il me semblait voir, dans l'étendue calme et reposée, l'âme du monde, l'être éternel fait de tous les êtres. Alors, j'ai goûté une grande douceur. Je venais de dépasser la guérison. J'en étais au pardon et à la foi. Frère, ma jeunesse me souriait encore. J'ai songé qu'un jour, nous nous trouverons unis tous quatre, Marie et Jacques, Laurence et moi. Nous nous comprendrons, nous nous pardonnerons, Nous nous aimerons sans avoir à entendre les sanglots de nos corps et aurons une suprême paix à échanger ces tendresses que nous ne pouvions nous donner lorsque nous vivions dans des chairs différentes. La pensée qu'il y a malentendu sur la terre et que tout s'explique ailleurs m'a consolée. Je me suis dit que j'attendrais la mort pour aimer. Je me tenais debout auprès de la fenêtre, en face du ciel, en face du cadavre de Marie. Et peu à peu, une fraîcheur douce, une espérance sans bornes me venait de cette jeune fille morte et de ses espaces rêveurs. Les bougies s'achevaient, la chambre avait un silence de plus en plus lourd, et les ombres grandissaient. Paquerette dormait, Jacques n'avait pas bougé. Il s'est levé brusquement. Il a regardé autour de lui avec peur. Je l'ai vu se pencher sur le cadavre pour le baiser au front. La chair froide lui a donné un frisson. Alors il m'a aperçu. Il est venu à moi, hésitant, puis m'a tendu la main. Je regardais cet homme que je ne pouvais comprendre, qui me paraissait aussi obscur que Laurence. J'ignorais s'il m'avait menti ou s'il avait voulu me sauver. Cet homme était venu me briser le cœur. Mais j'avais espéré, j'avais pardonné. J'ai pris sa main et la lui ai serrée. Alors il s'en est allé, me remerciant du regard. Le matin, je me suis trouvée au bord du lit de Marie, à genoux, pleurant encore, mais des larmes douces, attendries. Je pleurais sur cette pauvre fille que la mort avait emportée au printemps, ignorante des baisers d'amour. Chapitre 30. Frères, je vais à vous. Je pars demain pour nos campagnes. Je veux puiser une nouvelle jeunesse dans nos larges horizons, dans notre soleil ardent et pur. J'ai eu un orgueil trop haut. Je me suis cru mûr pour la lutte, tandis que je n'étais qu'un enfant faible et nu. Je resterai peut-être toujours enfant. J'espère en votre amitié, en mes souvenirs. Près de vous, je me rappellerai les jours d'autrefois. Je m'apaiserai, j'achèverai de guérir mon cœur. Nous irons dans les plaines, au bord de la rivière ombreuse. Nous reprendrons la vie de nos 16 ans, et j'oublierai ainsi l'année terrible que je viens de vivre. J'en serai encore à ces jours d'ignorance et d'espoir, lorsque je ne savais rien de la réalité, et que je rêvais une terre meilleure. Je redeviendrai jeune, croyant. Je pourrais recommencer la vie sur de nouveaux songes. Oh, je sens toutes les pensées de ma jeunesse me revenir en foule, m'emplir de force et d'espérance. Tout avait disparu dans la nuit où j'étais entrée. Vous et le monde, mon travail de chaque jour et ma gloire future. Je ne vivais plus que pour une idée unique, aimer, souffrir. Aujourd'hui, dans mon apaisement, j'entends s'éveiller une à une ces pensées que je reconnais et auxquelles je souhaite la bienvenue, l'âme attendrie. J'étais aveugle. De nouveau, je vois clair en moi. Le voile s'est déchiré. Je retrouve le monde tel que je l'avais laissé, large pour les jeunes courages, lumineux, plein d'applaudissements. Je vais reprendre mon labeur, me refaire des forces, lutter au nom de mes croyances, au nom de mes tendresses. Faites-moi place à vos côtés, frères. Trempons-nous dans l'air pur, dans les champs éclatants de soleil, dans nos amours vierges. Préparons-nous à la vie, en nous aimant tous trois, en courant la main dans la main, libres sous le ciel. Attendez-moi. Et faites que la Provence soit plus douce, plus encourageante pour me recevoir et me rendre mon enfance. Hier, lorsque devant la fenêtre, en face du cadavre de Marie, je m'épurais dans la foi, j'ai vu le ciel, plein d'ombre, blanchir à l'horizon. Toute la nuit, j'avais eu devant les yeux les espaces noirs, troués par les rayons jaunes des étoiles. J'avais sondé vainement l'infini du gouffre sombre, m'effrayant de ce calme immense, de ce néant insondable. Ce calme, ce néant, se sont éclairées. Les ténèbres ont frémi et se sont repliées lentement, laissant voir leur mystère. L'effroi de l'ombre a fait place à l'espérance de la clarté naissante. Tout le ciel s'est enflammé peu à peu. Il a eu des teintes roses, douces comme des sourires. Il s'est creusé dans la lumière pâle, laissant voir Dieu à cette heure matinale et transparente. Et moi, seul, en face de ce déchirement de la nuit, de cette naissance lente et majestueuse du jour, je me suis senti au cœur une force jeune, invincible, un espoir immense. Frère, c'était l'aurore.